Je lance l'enregistrement, voilà, ça y est, j'ai lancé l'enregistrement. Bien sûr. Du coup, tu veux que je fasse le 1, 2, 3 prout ou pas? Bah, du coup, ça sert plus à rien puisque je suis plus synchro avec vous. Prout. Si j'explique pas quoi. Ok. Du coup, je suis en train de réenregistrer une partie, la partie du Faut qu'on en parle, que j'ai pas enregistrée. Coucou. Bien sûr. Coucou. Coucou. ok. Attends, je reprends le Google Doc. Et du coup, le troisième jeu, c'est un tactical strategy qui est développé par le studio Bitreactor en co-développement avec Respawn. Et c'est un studio qui est tout récent, qui vient d'être monté, probablement pour ce projet. Le jeu sera réalisé par Greg Furch, qui est un ancien de chez Firaxis. D'ailleurs, comme tous les employés du studio Bitreactor, c'est que des anciens de chez Firaxis qui ont travaillé sur Civilization, sur XCOM. Et concernant Greg Furch, c'est un mec qui a bossé à l'époque sur Civilization, bien sûr, mais surtout des jeux cultes comme Pirates ou Railroads, pour ceux à qui ça parle. Donc des jeux vraiment qui ont marqué leur époque. Du coup, c'est l'occasion aussi de voir un tactical strategy dans l'univers de Star Wars, et ça, c'est super cool, parce qu'on va avoir un XCOM-like, potentiellement, parce qu'on n'a pas encore trop d'infos sur le jeu, mais on imagine ça comme un XCOM-like dans l'univers de Star Wars, ça peut rendre super bien, on a tous hâte de voir ça. Ben voilà, vite fait, bien fait.